J'ai reçu dans ma boîte mail un communiqué de presse qui disait ceci. Pour la première fois, la Cour de justice européenne condamne un État pour inaction climatique. C'est la Suisse, cet État. voilà, j'ai eu envie de rencontrer ceux qui m'ont envoyé ce communiqué de presse. Et on en parle, hein, on en parle dans ce micro ouvert, mais plutôt vers la fin, quoi, milieu de la fin. On parle de plein d'autres choses et c'est, moi j'ai trouvé ça riche parce que ça reste pas calé sur un point de vue quoi. On dit plein de choses dans ce micro ouvert sur l'écologie, la nature, les collectifs, le combat mené, la droite, la gauche. Enfin voilà, très riche. Et il y a les soulèvements de la terre qui ont sorti un nouveau livre, Première secousse. Je suis occupée à le lire et c'est vraiment bien intéressant. Et d'ailleurs, je vous fais écouter ceci. Oui, mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on considère que l'antifascisme, ce n'est pas qu'un terrain urbain et qu'être présent sur les blocages, faire qu'il y ait des gros convois de tracteurs qui viennent aux bassines, ce qui a été le cas systématiquement, ou à Saint-Colomban, agir avec nous et montrer qu'il y a des paysans qui s'organisent pour défendre la terre, défendre l'eau, défendre leurs revenus et leurs conditions de travail et essayer de les appuyer là-dedans. Voilà, c'est aussi une manière d'occuper ce terrain-là et de ne pas laisser le champ libre à la fascisation. Des camarades en Allemagne. Et c'était intéressant aussi de voir la situation dans d'autres pays en Europe et qui disaient, en fait, c'est impressionnant. Ils disaient, en fait, à l'échelle de l'Europe, on a l'impression qu'il n'y a qu'en France que les questions de la terre, de l'ancrage de la terre telles qu'elles sont posées dans les soulèvements, elles ont été... Il y a un discours de gauche, il y a un discours émancipateur à cet endroit-là, quoi. Et eux, ils disaient, en fait, chez nous, en Allemagne, c'est des questions qu'on a... Enfin, pour nous, la question de la terre, c'est une matrice réactionnaire aussi, parce qu'il n'y a pas eu de mouvement paysan antifasciste en Allemagne. Je veux dire, quand même, globalement, là, le seul syndicat... le syndicat agricole majoritaire en Allemagne, c'est un truc qui a été... qui est issu directement du Troisième Reich, qui n'a pas été dénazifié, donc c'est une autre situation, quoi. Ouais. Mais ils nous disaient, en fait, pour nous, c'est la question paysanne, la question de la terre, elle est quand même globalement, on l'a laissée à l'extrême droite parce que pour nous, c'est trop une matrice réactionnaire. Et du coup, ça fait que le mouvement social et écolo, il est complètement coupé de... Bah déjà, il est hyper urbain. Et en fait, ils ont un truc un peu de justice sociale, décoloniale, etc. Mais très très abstrait, très hors sol. Ils ont pas beaucoup de prise en fait dans des luttes territoriales, etc. Et en fait, ils ont du coup un discours assez hors sol, assez abstrait. Et du coup, c'était aussi intéressant de voir le retour de camarades dans d'autres pays, quoi, qui disaient ah mais en fait nous on trouve que ce pari-là, il est quand même assez intéressant, quoi, de venir investir à cet endroit-là pour venir y porter aussi une bataille politique à cet endroit-là, quoi. Micro voilà. C'est ouvert. Parti pour 45-50 minutes. Et on est au champ des Cailles, c'est ça, hein, à Boisfort. Et ici, en face de moi, il y a deux personnes, mais elles vont dire un petit peu qui elles sont. En tout cas, j'ai déjà leur prénom. Il y a Fanny Vinet et Jean-Baptiste Godineau. Alors... elles font partie aussi, ces deux personnes, vous me dites, hein, si je me trompe, de We Are Nature Brussels, si je comprends bien en français, parce que je suis nulle en anglais, c'est Nous sommes la nature, c'est ça, hein? Non okay. Si, si, Nous sommes la nature, ou Nous sommes de la nature, il y a une double traduction, We Are Nature, nous sommes partie de la nature. Et moi, j'avais envie de vous rencontrer pour parler de donc, cette inaction climatique en Suisse qui est condamnée. Voilà. Ça, c'est les gros points. Après, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Mais peut-être une petite présentation de qui vous êtes, alors. Donc, moi, je m'appelle Fanny et je suis intéressée par le lien que nous avons avec la nature. Je me sens partie d'elle depuis que je suis née. Et j'ai l'impression que je ne suis pas partie de... J'ai pas abandonné mon état d'émerveillement qu'on a quand on est enfant, qu'on est au ras des pâquerettes et qu'on comprend toutes ces petites choses-là. Donc ça m'intéresse la réflexion de comment on s'organise et comment on vit et comment on fait partie d'elle. Et moi, c'est Jean-Baptiste. Bah, c'est un peu la même approche, hein, finalement. C'est depuis gamin, cette impression et cet émerveillement face à tout ce qui vit tout seul, quoi, en dehors de nous, en dehors de notre volonté. Et voilà, et puis une préoccupation, quoi. face à la destruction massive et tous azimuts, justement, de la trame dans laquelle on est complètement inséré. Voilà. Et alors, on démarre avec... le We Are Nature, c'est quoi? C'est combien de gens? C'est vous? C'est quoi ce bazar? C'est une assoce? Vous me dites, hein, mais de toute façon, je donne chaque fois la parole aux deux, hein, qui a envie de commencer. C'est une toute jeune association, mais qui naît d'une préoccupation qui est plus large que nous. En fait, pour le moment, on est quatre dans l'association, à être formellement dans l'association. Mais c'est vrai que, en fait, pour ces combats-là, j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres gens qui sont derrière nous. Et en particulier sur le territoire bruxellois, qui est super riche en initiatives différentes. Il y a des marais, il y a la ferme urbaine sur laquelle nous sommes actuellement. Il y a un bois, il y a plein de petites choses comme ça que les gens disent « Ah oui, mais là, mais ne me coupez pas cet arbre qui est devant chez moi, il me fait du bien avec le passage des saisons. » Enfin, il y a plein de personnes qui se mobilisent et qui disent « On fait des pétitions, on fait des marches, on fait un petit comité de quartier. » Parfois, c'est très informel, mais ça vient toujours du cœur. Et tous ces gens-là ont mené ces luttes depuis très longtemps. Et maintenant, entre nous, on est arrivé à la conclusion que toutes ces choses-là n'aboutissent pas, en fait, qu'on est toujours à courir derrière la destruction. Il y a toujours une bonne raison d'installer un hôpital, un bassin d'orage, des bâtiments. Et donc on se dit, ok, mais à quel moment on va dire, la nature, il faut peut-être qu'on la préserve d'une façon qu'on n'a pas encore réussi à faire pour le moment. D'où notre idée de lancer une association qui soit capable de faire une action en justice, en fait. Oui, de lancer une association, mais moi j'aurais envie de dire, mais encore une, quoi. Pourquoi? On l'a lancé pour justement initier, comme le disait Fanny, un procès d'un nouveau type. Donc c'est un procès qui n'a pas encore été fait. Ça s'appelle un contentieux stratégique climatique, c'est-à-dire une action en justice qui vise à contraindre l'État de réaliser une action. Là, en l'occurrence, d'arrêter de délivrer des permis d'urbanisme sur les zones naturels et les seuls vivants. Et pour ça, on avait besoin d'une association constituée pour avoir une personnalité morale, et donc effectivement une association de plus, mais qui fait une action qui n'a pas encore été tentée. Donc on essaye. C'est une action, tu veux dire, qui n'a pas encore été tentée avec la justice, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce type de procès n'a pas encore été essayé. Donc il y a eu des affaires, il y a de plus en plus d'ailleurs de contentieux climatiques. En Belgique, il y a eu notamment l'affaire Climat, bien sûr, qui a été super importante. Le 30 novembre 2023, comme ça, l'affaire Climat gagne en Belgique. 70 000 personnes derrière ce contentieux. Et il y a 10 personnes qui mettent ça en place, quoi. Voilà. Donc nous, c'est à l'échelle régionale. On est pour l'instant 4 à porter ce truc beaucoup de gens derrière, comme le dit Fanny. Puis on a pour l'instant 1300 à peu près bruxelloises et bruxellois à défendre nos droits en Belgique. Donc c'est plus petit. On espère être plus nombreux. Donc tout le monde peut se joindre à la cause. Ça, c'est important de le dire. On espère vraiment qu'il y a des gens qui vont rentrer dans le cas. Mais donc effectivement, on a créé cette association pour ça. Et aussi pour développer un autre point de vue sur la nature et sur des possibilités de la défendre, entre guillemets. Qui, à notre connaissance, n'existait pas encore. Là, par exemple, ce qu'on essaie de développer, c'est une idée de la nature comme quelque chose qui nous traverse, dans laquelle on est complètement inséré, et qu'on doit défendre, notamment et peut-être prioritairement, avec les personnes qui en sont le plus privées, donc dans les quartiers populaires et les personnes qui sont dans la difficulté sociale. Et donc cette double approche, on ne l'a pas beaucoup vue ailleurs. Donc on ne dit pas qu'on va retourner la maison et renverser la table, et on ne pourra pas le faire tout seul, mais cette double approche, plus ce procès inédit, voilà, on s'est dit, là, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Il y a du travail, c'est le plein emploi. Quand tu dis que tu peux aussi réagir sur ce qu'il a dit, mais de toute façon, voilà, moi je donne chaque fois la parole un peu aux deux, et n'hésitez pas à retourner en arrière si jamais... Parce que voilà, moi j'avance dans l'idée évidemment, mais s'il y a des choses que vous voulez absolument dire, n'hésitez pas. Mais reprécise un peu quand tu parles les deux objectifs que vous voulez défendre. J'ai compris qu'il y en avait, une clairement avec la justice, ouais. Et l'autre. Alors, donc la justice, ça c'est le procès. Parce qu'en fait, le problème qu'on a, et Fanny a bien dit tout à l'heure, c'est que ça fait des années qu'on est actif dans des collectifs locaux, qu'on défend des bouts de territoire contre l'accaparement et la destruction, ici par exemple. Mais à Bruxelles, je veux dire. À Bruxelles, ouais. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'arrive pas à stopper le bulldozer, quoi. En fait, même quand on gagne, après des mobilisations, qu'on gagne des recours, qu'on arrive à changer l'affectation d'un sol, etc., quelques années après, la région revient et redemande des permis et réurbanise, réartificialise. Et donc, ce qu'on cherche aussi avec cette association, c'est à rajouter un levier pour essayer d'être plus efficace, c'est-à-dire réussir à empêcher de détruire ce qui reste de nature ici à Bruxelles, parce qu'on considère que d'abord, c'est une valeur intrinsèque inestimable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut remplacer, ni acheter, ni vendre, ni quoi que ce soit. On ne peut pas remplacer ce brin d'herbe ici. Et on en a absolument besoin pour adapter la région au changement qui arrive. Donc il y a le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, entre autres. Mais ça, c'est deux axes principaux des crises actuelles. Et si on détruit la nature, eh bien, on va avoir des problèmes de plus en plus graves à Bruxelles. Et qui paye le premier, comme toujours? Les pauvres. Systématiquement, le plus tôt, le plus fort et le plus brutalement. Donc là, il faut aussi qu'on réfléchisse un peu autrement notre relation à la nature et au social. Quoi. Quand tu dis qu'il faut réfléchir, bah c'est tout réfléchi quelque part. Je ne vois pas à qui tu disais quand tu dis il faut réfléchir, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est tout vu, mais enfin, nous, on n'a pas vraiment l'impression d'entendre ce point de vue beaucoup, par exemple, dans les médias. On n'entend pas ça, ou pas du tout assez. On a plutôt dans les médias une écologie type un peu technocratique ou administrative, qui est nécessaire certainement, mais qui ne va pas du tout assez loin. C'est clairement, on n'a pas les débuts de solution quand on dit qu'on va rajouter un parc, mais qu'en même temps, on développe la 5G, ou qu'on va améliorer la biodiversité et qu'on promeut les voitures électriques à Bruxelles. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver comme ça, c'est absolument clair. Et puis, il faut aussi réfléchir à nous, parce que pour construire des choses qui efficaces, donc qui permettent de sauver la nature, et des ajustements entre les besoins des différentes personnes dans la ville et la nature, ben on doit tout repenser, quoi. C'est vraiment très compliqué. Il y a énormément de choses à réfléchir, en fait. Tout est en chantier. Par exemple, dernièrement, on s'est posé la question sur le logement. Bon, il y a des pistes pour réduire la fracture sociale qui est créée par le logement et pour réduire l'inégalité sociale criante qui est générée par la crise du logement. Mais c'est difficile à mettre en œuvre et il faut pouvoir opérationnaliser les choses, trouver des manières de faire, trouver suffisamment d'acteurs qui sont d'accord pour porter cette chose conjointement. Donc il y a énormément de travail. Donc on n'a pas non plus, nous, les solutions, on ne va pas claquer du doigt en disant on a trouvé. Ça, ce n'est pas possible. C'est une dynamique qui doit se mettre en place. Donc nous, on y contribue, mais on n'est pas assez fort. Ça, c'est clair. Il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de force qui rentre dans la dynamique pour qu'on puisse changer quelque chose dans le bon sens. Ah bah, il commence à pleuviner, là. Hein. En fait, on le voit pas, hein, mais il fait tout gris, il y a du vent. Ce temps est quand même incroyable. Hein. Il pleut, il y a du soleil. C'est drôle. Bon, mais continuons. Non, mais c'est... Ce qui est fou, c'est que c'est un peu le constat général, quoi. C'est-à-dire que les gens ont envie de garder cette nature, de se battre pour. Et encore, je dirais, nous, ici, vous et moi, là, les trois, on ne doit pas se battre directement, vous voyez, comment je dirais, pour un projet où on doit sauver nos vies, quoi. Même si, symboliquement, oui, en effet, s'il n'y a plus de nature du tout, on va être bien ennuyé. Mais c'est un constat général. C'est comme si on était dans un monde schizophrénique, quoi. Il y a les politiques là-haut, ils vous jouent quand même, ils ont compris l'écologie avec un grand sourire, il y a des pubs. Mais en fait, dans le concret, ça bouge pas, quoi, et ça fait même le contraire. Voilà. C'est vrai que la réflexion va plus loin que ce que tu viens de dire. Il y a des gens, effectivement, qui sont dans la protection ou la défense, entre guillemets, de la nature depuis longtemps et qui donc ont eu le temps ou l'envie de faire toute cette réflexion. Mais il y a aussi des gens qui ont du mal à mettre les choses en perspective. Et alors, ils te disent « Ah, mais la ville, c'est pas pour la nature. Hein. Si tu as besoin de la nature, bah, tu vas dans la campagne le week-end. » Et donc, ils ne comprennent pas que la nature, elle est partout et qu'on ne peut pas juste la couper du reste du monde, parfois. Parce qu'il y a des gens aussi qui nous disent « Ouais, mais bon, la Belgique, c'est tout petit. C'est pas nous qui allons changer le monde. » Mais si, justement, c'est chacun de nous qui devons faire cette réflexion. Qu'est-ce qu'on a envie de demain? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans nos vies? Oui, mais là, on entend les gens un peu fatalistes, quoi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Ou alors c'est pas mis à l'honneur quand il y a une bataille gagnée, voyez. Vous seriez, vous, justement, si c'est votre domaine, un peu, des batailles gagnées. Oui, j'étais justement en train de réfléchir. Lesquelles ? À Bruxelles ou je sais pas où, moi, qui montre que ça, quand même ça marche un peu, pas tout le temps, mais... Ah moi je pense là directement à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont quand même réussi à empêcher la construction d'un aéroport sur 1200 hectares de bocage, donc chapeau bas les cocos. Et puis à Bruxelles... Combien d'années de bagarre, quoi, c'est hallucinant aussi, hein. 40 ans de bataille, hein. Et même plus en fait, mais bon. Et à Bruxelles, il y a quand même pas mal d'exemples. Alors il y a le Kouberg qui a été classé après une bataille du feu de Zeus qui a été menée par les citoyens, des stratégies d'achat de terre, des mobilisations tous azimuts. Le Kinsundal, c'est pareil. Le champ des cailles, il y a quand même une dynamique super importante pour essayer de sauver ce qui peut l'être ici. Dernièrement, il y a le bois georgien à Skarbek, à côté de la RTBF. Il y avait un projet de construction dessus. Il y a 9 hectares de bois qui ont été sauvés. Donc ça, c'est normalement, c'est quasiment acté. Les potagers Bundal Ernot à XL, ils ont été attaqués 3 fois. 2 fois, l'assaut a été repoussé. Maintenant, ils sont à nouveau attaqués. Mais ils ont été défendus aussi, par exemple, par les citoyens. Et pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, c'est super intéressant, c'était des potagers ouvriers. Et donc, là, alors tout le monde dit, oui, mais voilà, vous voulez encore défendre vos trucs de bobo. Mais c'était des potagers ouvriers. C'est des gens qui faisaient pousser des légumes pour se nourrir là-bas. Et c'est pour ça qu'ils les ont défendus au départ. Et puis maintenant, il y a des logements sociaux. Et les gens dans les logements sociaux, bon, malheureusement, ne sont pas très fortement mobilisés pour des tas de raisons complexes, notamment... La pression des partis politiques, ça c'est un grand souci, mais ils sont néanmoins encore mobilisés et il faut réussir à sauver ces potagers, cet espace qui est nécessaire pour le coin. Quoi. Qu'est-ce que tu veux dire là ? Parce que quand tu parles des potagers, c'est la pression politique, on a envie de comprendre, hein, parce que quand tu dis ça, tu parles comme ça, on a envie de... C'est quoi le problème en fait ? On se met à l'abri ou quoi ? Bon. Allez, 3, 4, et donc on reprend, hein, parce qu'on était dehors dans le vent, et au champ d'écailles d'ailleurs. Hein. Il y aurait des mots à dire là-dessus, mais finissons. Alors, ma question, c'était, tu disais qu'il y avait des jardins ouvriers qui se battaient. Au potager Bundal. Alors, non, ils ont été. La surface de l'espace naturel qui était donc cultivé a été réduite au fur et à mesure. Il en reste encore toute une partie. Et là, dans la nouvelle mouture, ils proposent de conserver ce qui reste de potager, mais d'attaquer tout le bord. Enfin, une partie en tout cas du bord. Je ne comprends pas quand tu dis. Il propose, c'est qui, le politique Le politique. Avec. Il propose de garder les bords du potager. Alors, il propose de garder le potager, mais de construire sur une partie boisée qui est attenante. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe à Bruxelles systématiquement, c'est qu'il y a des espaces qui sont grignotés. Et à chaque fois, on dit, non, mais vous voyez bien, on garde la plus grande partie, donc il n'y a pas de problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Bundal. Et puis après, ils sont revenus, ils ont pris toute une partie. Et puis, ils redisent, non, mais vous voyez bien, on laisse. Et puis là, c'est la troisième fois, ils disent, vous voyez bien, on laisse. Et ils continuent de grignoter. Et donc, c'est un processus comme ça qui est continu, méthodique, constant. Il lâche pas l'affaire, quoi, en gros, c'est ça. Il lâche pas l'affaire parce que c'est plus facile d'aller urbaniser la nature qui reste à Bruxelles plutôt que de réfléchir à une politique du logement, à une politique de ménagement du territoire qui permette de conserver la nature pour que la ville reste habitable à long terme. C'est plus facile de détruire, en fait, que de réfléchir autrement. Mais donc, pour nous, c'est un énorme problème. Et pour le cas des potagers Mundal, ce qu'on voit aussi, c'est que, et ça j'en disais un mot, c'est que les partis politiques localement, ils portent les projets et ils mettent la pression sur les citoyens. Donc non seulement dans les bâtiments sociaux, souvent les gens se sentent redevables de différents partis politiques et donc ils ont un peu de crainte à élever la voix, voire même à simplement faire valoir leurs droits, parce qu'il y a une crainte qui s'installe. Et puis il y a tout ce système d'affiliation qui fait que quand un parti politique dit « cette solution est bonne », eh ben, il y a tous les membres qui disent « ah bah oui, c'est pas si mal ». Et des fois, on oublie un peu de regarder la perspective historique, la perspective écologique, la perspective démocratique, et puis de se dire « est-ce que en fait, c'est vraiment bien, même si c'est mon parti ?» quoi. Et donc, on a vraiment observé ce problème, notamment pour l'instant à Bundal Ernot, parce que la mobilisation a plus de mal à prendre, notamment à cause de ça, c'est certain. Et au champ des cailles, mais ça, je pense que Fanny connaît bien le sujet, il y a beaucoup à dire aussi. Donc, on est occupé un peu à dévier, mais pour que les gens comprennent, donc on parle un peu de ces projets qui gagnent, des batailles gagnées, et on se concentre alors sur Bruxelles, quoi, du coup. Et au Champ des Cailles, c'est ici en face, de chez toi, en fait. Oui. Toi, t'habites en face du Champ des Cailles. C'est vrai, j'habite en face du Champ des Cailles, et quand je suis arrivée ici, on m'a dit, bah là, en face, il y aura des constructions. Et donc, a priori, moi, je m'installe dans une ville, on me dit, il y aura des constructions, je dis, bah, ok, pas de problème. Mais en fait, petit à petit, j'ai connu, qu'est-ce qui se passe sur ce Champ des Cailles? En fait, c'est une ferme urbaine qui s'est développée là, c'est des gens qui ont vu cet espace vide, et qui ont eu les yeux qui brillaient en se disant, ah tiens, chouette, un espace, un grand espace, on pourrait faire une ferme urbaine, on pourrait cultiver des légumes qui soient bons pour nous, on pourrait impliquer les gens tout autour, on pourrait faire un chouette truc. Mais il y a combien d'années de ça? Il y a 11 ans maintenant. Donc la ferme du Champ des Cailles qui s'est installée là va avoir ses 11 ans. Et donc il y a tout un chouette mouvement qui s'est mis en place, assez inspiré des travaux comme de Pierre Rabhi ou des choses comme ça, où c'est une écologie qui est très centrée sur la nature, très faisons attention. D'ailleurs, quand ils se sont installés, ils ont dit on va garder une zone témoin, c'est-à-dire une zone où la main de l'homme n'entre pas, juste pour voir qu'est-ce qui se passe dans un petit bout où on n'introduit rien. Donc il y avait vraiment une réflexion derrière de ce groupe de gens qui s'installent là et qui disent on va faire un projet participatif, un projet solidaire, un projet en pensant à tous les gens qui sont autour. Et donc le projet s'installe et la ferme signe une convention d'occupation qu'on appelle précaire, c'est-à-dire que l'agriculture urbaine à ce moment-là n'était pas suffisamment mise dans les papiers, on va dire, de tout le monde pour dire c'est important, on va continuer comme ça. C'était précaire, donc Dire que c'est pas le, si je comprends bien, le terrain n'est pas aux gens de la ferme, quoi. C'est ça. C'est en attendant que. Voilà. C'est un terrain qui est prêté par les logements sociaux d'ici, qui s'appelle le Logis Floréal, et qui donc la ferme sait qu'à un moment elle doit partir de cet endroit-là. Et petit à petit le projet se développe. C'était d'office qu'elle allait devoir partir. Oui. D'office, c'était ça l'idée. Ils le savent. Oui. Depuis le départ, ils le savent. Mais ils font quand même beaucoup d'efforts pour que ce truc naisse et ait du sens et s'organise avec plein de choses. Et il y a plein de choses annexes qui se développent dans ce projet, notamment une épicerie participative et d'autres projets comme ça qui sont très chouettes, qui font beaucoup de liens avec d'autres associations du coin. Et donc arrive un moment où le projet de construction se matérialise de plus en plus. Et donc là, les personnes qui sont mobilisées à essayer de faire une transition différente cherchent à voir de quelle façon on pourrait garder quand même le terrain comme il est maintenant, avec tout ce qui s'est développé dessus, et mettre ces logements dont on est conscient qu'ils sont nécessaires dans un autre endroit. Et donc, il y a un mouvement de défense, on va dire, du champ qui s'appelle les Amis du Champ des Cailles, et qui dit ce que disent d'autres endroits un peu partout à Bruxelles et dans le monde, on va dire, de dire peut-être qu'on peut quand même ménager la nature et quand même trouver à loger les gens, quand même trouver à être solidaire et quand même trouver à être sympathique avec les gens autour. Donc on en est à peu près là. Et là, en ce moment, c'est à chaque fois aussi, les gens reviennent en nous disant « Mais regardez, maintenant, soyez raisonnables. On a baissé la quantité d'espace géographique qu'on va utiliser. C'est beaucoup moins, c'est une toute petite frange. » C'est qui dit ça? C'est les constructeurs. Les constructeurs, voilà. La personne qui va faire le projet dessus, l'architecte, le cabinet de l'architecte, la SLRB, que c'est la Société des logements sociaux sur la région. Voilà, ils ont toujours des bonnes raisons pour nous dire « Allez, soyez raisonnables ». Sauf que nous, on a l'impression que c'est le contraire qui n'est pas raisonnable. C'est d'installer des logements sur un projet qui coche toutes les cases d'une transition logique et sympathique et bien raisonnée, quoi. Et donc, c'est là où, même avec nos petits moyens, parfois pas toujours complètement informés, on se dit « Il devrait quand même y avoir un autre moyen de faire ». Et c'est ça qu'on essaye de dire, c'est… Il y a d'autres choses que ces grands projets immobiliers qui vont finir par non seulement occuper le terrain, mais en plus mettre à mal un projet qui est déjà né d'une mobilisation. Et c'est difficile pour tous ces gens qui, depuis des années, disent « faisons différemment ». Ils ont déjà plein de pressions qui viennent d'ailleurs. Et si en plus on rajoute un projet comme ça, petit à petit, le projet va éclater. Il y a des jeunes maraîchers qui s'installent dans un projet comme ça en y croyant fort, parce que ce sont des valeurs qui parlent aux jeunes, de dire la solidarité, c'est plus une question d'argent. La ferme, elle ne travaille pas pour de l'argent. Elle travaille juste pour donner des légumes et un contexte solidaire autour d'elle. Et donc, les jeunes maraîchers qui arrivent dans ce projet et qui se disent « Ah, c'est chouette et tout ». Puis après, on leur dit « Oui, mais en fait, bon, on va construire ». Bon, alors ok, ça veut dire que la transition à laquelle moi je crois, le monde n'y croit pas. Et donc, pourquoi moi je vais continuer à me battre pour ce truc-là ? Ben, je m'en vais, je vais chercher ailleurs. Et donc, ah ouais, ouais, tu te... Oui. Toi aussi, tu t'en vas ? Probablement, mais bon... Ouais, oui, oui. Oui. Oui, au bout d'un moment, tu te dis à quoi ça sert de toujours se retrouver avec la même chose. Et c'est un peu une situation de pression comme ça où tu te rends compte que même entre personnes comme ça, très portées sur la nature et tout ça, tu fais... Du même camp. De quoi ? Du même camp, j'ai envie de dire. Ce sont des personnes, on est du même camp, mais c'est ça. C'est ça. Mais on finit par avoir aussi une violence entre nous. Parce que justement, oui, mais non, tu dois être raisonnable, Fanny, si on doit accepter ces constructions, parce que sinon, on va partir. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on va devoir partir au bout d'un moment. Comme Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, ils vont nous dire allez, soyez raisonnable. Maintenant, on enlève cette petite partie-là. Puis dans, je ne sais pas, on va dire. Oui, mais il ne faut pas se laisser faire. Je veux dire, voilà, on parlait aussi de la justice, de la loi. Oui. Alors moi, je suis contradictoire parce que je suis très. Moi, je crois pas. Je veux dire, la loi, c'est l'élite qui l'a faite, quoi. Donc, elle peut s'en servir comme elle veut. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui terriblement aujourd'hui, même en France, avec les mouvements plus sociaux, plus politiques. Je sais pas si vous avez entendu parler. Je veux dire, c'est grave, c'est très grave ce qui se passe. Donc, il y a aussi, alors, plus en lien avec votre branche, on va dire, la branche écolo, c'est les soulèvements de la terre, comment on les a dégommés, comment ils sont allés en justice, comment il y en a qui sont pratiquement prêts à faire de la tôle. Évidemment, vous avez suivi l'affaire, donc ils sont en appel, ils se laissent pas faire, mais je veux dire... Oui, mais tu vois à quel prix tu viens de le dire, ces gens-là, ils sont prêts à faire de la tôle, ils sont prêts à abandonner leur famille. Souvent, il y a des gens qui grimpent dans les arbres et qui restent des années là, dans l'arbre, mais alors ils ne vivent pas avec leur famille. C'est quand même un coût incroyable pour développer des choses qui sont du domaine du droit fondamental. On a le droit à la nature, on a le droit à l'air, à l'eau, on a le droit à une alimentation saine. Et là, ce qu'on est en train de nous vendre, littéralement, c'est un monde qui, pour moi, n'est pas viable. Mais d'accord, mais... Comment on fait alors si on abandonne tous alors ? Heureusement qu'il y a des illuminés qui... Parce que quand tu dis des gens qui restent dans les arbres, bon, il n'y a pas que ça, parce que c'est jamais... Quoi ? Il y a des gens qui restent 2 ans dans un arbre ? Oui, t'exagères là. Non, il y a une dame aux États-Unis qui a essayé de sauver un grand séquoia et le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est de monter dans cet arbre, d'y grimper tout en haut et de passer, je ne sais plus, je ne me rappelle plus la quantité de jours, mais c'est un truc incroyable. Plus d'un an. Et il y avait des gens. Alors après, elle n'était pas toute seule. Il y a des gens qui l'ont aidée à. Voilà. C'est ça qu'il faut essayer de réveiller aussi. C'est tout à fait, de se mettre à plusieurs. Parce que dans le projet, dans la loi. Alors, faut que je retrouve bien dans la Cour européenne des droits de l'homme, là, je le répète, qui a pour la première fois rendu un arrêt condamnant un État, la Suisse, pour inaction, de l'inaction climatique, quoi qu'on va l'appeler comme ça, c'est intéressant de raconter un peu cette histoire parce que c'est des seniors, comme on dit, c'est des vieux et des vieilles, quoi, qui sont allés au créneau. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc intergénérationnel auquel je crois beaucoup, moi, parce que c'est vrai que tu bouges dans ta vie, t'es pas toujours dans le même état. Il y a un moment où peut-être t'as des enfants en bas âge et t'arrives pas à faire le combat de cette façon-là, mais tu aideras d'une autre façon. Peut-être tu seras cette personne qui est en pied de cet arbre et qui donne à manger à la personne qui a grimpé dans l'arbre. Et donc oui, il y a un truc de flambeau comme aussi dans le combat pour le féminin ou pour les droits civiques. Enfin, il y a un grand... D'où tu es, où tu es planté, alors là, même pareil comme une petite fleur, comment tu fais pour fleurir ? Comment tu fais pour... Oui, en tout cas, pour continuer à... c'est comme si j'étais tombée dedans, donc je veux dire, c'est la cata peut-être, mais on continue, quoi, et on continue à se marrer, et on continue à... Même si on va droit dans le mur, en fait, on connaît pas la finale, mais en tout cas, ça sent mauvais, c'est pas gai tout ce qui se passe, c'est même pas le bon terme, pas gai, c'est terrible, quoi, ce qui se passe. Mais voilà, notre discussion, elle est là, s'il y a plus personne qui fait rien... C'est quoi la suite ? Moi, je trouve que ça donne bon espoir, même si on se pose des questions avec ces seniors qui ont gagné en Suisse. Oui, mais c'est un effet domino aussi, non ? Toutes ces petites choses-là s'additionnent. Elles ont fait ce combat-là. Il y en a eu d'autres que tu as cités tout à l'heure. Je pense qu'il y a cet effet aussi de petit à petit, il y a des choses qui se rejoignent et qui certainement donneront quelque chose d'autre. Parce que ça amène quoi alors, cette histoire de la Cour européenne? Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, je pense, pour faire lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant de voir l'avancée que ça constitue, quoi. Parce qu'effectivement, le droit, on sait que c'est quelque chose qui a été créé globalement par, pour le dire de manière un peu lapidaire, par les classes dominantes, et qui est historiquement destiné à maintenir le calme dans la société, mais qui s'est enrichi au fur et à mesure de plein de nouveaux droits, par exemple les droits sociaux et culturels, qui ont été acquis par la lutte. Tous les droits sociaux, les vacances, l'assurance maladie, le chômage, l'invalidité, la pension, tout ça, ça a été inscrit dans le droit grâce aux luttes. S'il n'y avait pas eu de lutte, il n'y aurait pas eu de droit. Mais s'il n'y avait pas le droit, ça serait détricoté toutes les fins de semaine. Et donc le droit permet quand même, en quelque sorte, une sorte d'effet cliqué sur les luttes sociales, bon, pour être extrêmement simple, quoi. Et pour la question environnementale, c'est un très mauvais terme. Écologique, disons. C'est toujours compliqué de trouver les bons mots, mais on se comprend. C'est pas simplement l'environnement, parce que l'environnement, ça comprend la voiture qui est garée sur le parking. Donc la question de l'écologie vivante, disons, la question du droit, pour nous, elle est très importante, parce qu'en Occident, on a détruit les traditions et les coutumes avec lesquelles les peuples traditionnels, entre guillemets, vivent. Eux, ils n'ont pas le droit, ils ont des coutumes et des traditions qui sont en permanence en train de changer, qui sont... Ça bouge, hein, tout ça aussi, justement. Ouais, c'est pas figé. Mmh. Mais eux, ils fonctionnent... En tout cas, historiquement, ils fonctionnent pas avec le droit. Nous, on a enlevé ça, on a remplacé ça par le droit procédural, qui est censé être mis en œuvre par un État axiologiquement neutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur particulière qui est neutre. Et ce droit-là, il est censé garantir notamment la protection de l'environnement sain. Bon. Et ça ne sera possible que s'il y a des mobilisations extrêmement massives. On voit bien que sinon, tout est en train d'être méthodiquement détruit quand même. Hein, tout est en train, les océans, les forêts, l'air, les sols, tous les cycles, toutes les limites naturelles sont en train d'être franchies. Mais les gens aussi, parce que tu vois, c'est important. Moi, j'aime bien parler aussi de l'écologie, mais c'est parce que, je vous dis, nous, on a un peu perdu. On doit pas sauver notre peau, quoi. On doit pas sauver notre territoire. C'est pas ce territoire qui nous alimente. On est passé je sais pas si vous me suivez, on est passé à un autre niveau, quoi. Mais il y a des peuplades encore aujourd'hui. On dégomme les gens qui y habitent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui se nourrissaient de la forêt, par exemple. Donc nous, on peut parler comme ça de uniquement de nature. Vous me suivez un peu ? Tout à fait, mais tout à fait d'accord. Mais il y a quand même, je pense, une continuité entre les Indiens de la forêt brésilienne qui se prennent des coups de Kalachnikov dans le dos parce qu'ils défendent un territoire. Maintenant, il y a une continuité avec nous parce que nous, par exemple, on a du plastique dans le corps, on a du glyphosate, on a des PFAS, l'air est beaucoup plus pollué que dans la forêt. L'eau qu'on boit maintenant, il faut la filtrer complètement, sinon c'est... etc., etc. C'est-à-dire que... Et on ne parle plus à nos voisins, et même quand on fait partie du même camp, on se chamaille. Non, mais c'est incroyable quand même tout ce que cette société dans laquelle on est... Je sais pas comment on pourrait la nommer aussi, celle-là, capitaliste, cette société, tu vois, où c'est chacun pour soi, où c'est celui qui tire le plus de profit, où on est dans la compète, on n'est même pas capable de se mobiliser, tu vois, pour un projet comme ça. Et ok, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, tu sais, on est quand même d'accord sur le fond, enfin, on n'est plus capable de grand-chose, en fait. Je sais pas, je dis ça. On le voit bien, hein, dans les luttes de type écologiste, comme c'est extrêmement compliqué de trouver un terrain commun et une manière de faire qui soit respectueux des différentes positions. C'est hyper difficile, quoi. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien parler du productivisme, parce que quand on parle du capitalisme, tout de suite, c'est l'étiquette « ouais, ah bah, le capitalisme », etc. Mais si on remplace ça par un productivisme de gauche, on n'a pas fait mieux. Et l'histoire montre que c'est pas mieux. Voire même, c'est vraiment pas du tout mieux. Et donc, être anticapitaliste n'est pas du tout suffisant. Et en plus, il faut savoir comment on le fait, quoi. Donc, moi, je préfère parler de productivisme, c'est-à-dire l'augmentation de la production et, par conséquent, de la consommation pour alimenter une machine qui tourne complètement folle, quoi. Et donc, c'est plutôt la question de notre rapport au progrès et au type de production. Qu'est-ce qu'on produit ? Pourquoi produit-on ça ? Et pour qui ? Et comment ? Donc voilà, effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est à quel point c'est difficile de trouver des terrains communs. Et nous, à partir du moment où... Alors, le truc le plus dur à défendre, c'est quand même la nature, quoi. Parce que le social, il y a une histoire. On sait à peu près de quoi on parle, on sait comment faire. Mais la nature, d'abord, on n'arrive pas à la définir. Et alors, personne n'est d'accord là-dessus. Donc, quand par exemple, le champ d'écailles, c'est très clair. Oui, ça, c'est un cas concret, ici. Il y a de la nature, mais immédiatement, il y a toute une partie de la gauche qui monte aux barricades en disant « vous êtes de droite ». Eh ben parce qu'il y a une sorte d'assimilation historique de la nature à la droite, d'abord. De la terre. Exactement. Et des riches propriétaires terriens, certainement. Et de la manière de contrôler... c'est aussi lié à l'histoire, avec l'histoire. Les ouvriers, c'était des paysans sans terre. Bon, globo, très, très, très, très, très rapidement. Et donc, les paysans sans terre, eh ben, ils étaient à la merci des grands propriétaires terriens, qui étaient l'aristocratie. Tout ça est hyper rapide. Hein. Mais il y a quand même une espèce de filiation historique comme ça, qui fait que pour l'instant, quand on défend la nature, il y a plein de gens qui se disent qu'il faudrait mieux donner la priorité aux pauvres. Comme si les pauvres n'avaient pas besoin de nature. Et comme si la nature n'était pas le premier ingrédient essentiel pour qu'on puisse sortir de la pauvreté au niveau mondial, mais aussi de plus en plus ici, quoi. Et donc, il y a une très, très grande difficulté de trouver des terrains communs. Et donc, il faut se réinventer. Mais je vais laisser parler. Ça m'intéresse ce que tu dis, parce que là, j'avais jamais vraiment pris conscience que la droite pensait que la nature c'était moi je pensais que c'était quand même une idée de gauche, quoi, la nature, travailler la terre, utiliser ses mains, mais tu parles évidemment dans les grosses lignes très vite, quoi. Oui d'accord, moi j'avais jamais réalisé ça, quoi. Ici je fais une petite incise parce que je crois qu'on discute pas de la même chose, c'est-à-dire que la terre à la base est à tout le monde, on est d'accord. La terre est à tout le monde et à personne. Mais on sait bien qu'il y a la propriété privée qui est venue tout casser, on va dire ça comme ça. Et bah donc, on discute de la terre, si elle est de droite ou de gauche. La terre est à tout le monde et à personne. Mais on sait que ceux qui ont le pouvoir, qui dominent, ont capturé les terres en propriété privée. C'est ça le problème. Je pense qu'il n'y a pas une vision unique qui est vraie, hein, mais il y a différentes histoires qui se racontent au sujet de la nature. Et il y a des histoires de droite, et il y a des histoires de gauche, et il y a des histoires non productivistes, pour le dire simplement. Les non productivistes, ils savent toujours qu'ils ont, si je peux me permettre, ils ont toujours deux adversaires, c'est les adversaires de gauche et les adversaires de droite. Parce que les deux ont toujours été d'accord au nom de la liberté ou du progrès pour urbaniser, détruire, consommer, transformer en marchandises. Ça, je l'ai réalisé. Ah voilà. Ça, je l'ai réalisé, oui, il a fallu le temps. Ouais, mais on ne croirait pas comme ça si on n'approfondit pas un peu le sujet. Mais c'est un peu le monde dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Clairement, la gauche et la droite urbanisent, comme tu dis. Ouais. C'est un monde noir et blanc en général, même pour la nature. C'est, soit tu la défends parce que tu es du côté des abeilles et des petites fleurs bleues, soit tu n'as rien compris à la vie. Donc on est toujours dans un truc comme ça. Tu n'as rien compris à la vie, là, je ne suis pas. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Que justement, tu dois intégrer d'autres choses. Il y a des gens qui rentrent très facilement dans la critique et qui te disent « Oui, mais toi, tu ne prends pas ça en commun. Toi, tu prends pas ça en compte. » Et donc, tu as toujours des arguments qui viennent en face de toi, alors que en tant que défenseur de nature, tu te dis juste « Oui, mais en fait, c'est la base. » Toi, tu disais tout à l'heure « Oui, il y a des gens pour qui c'est vraiment très grave en ce moment. » Mais moi, je sens ça, que c'est très grave en ce moment, même pour nous, dans nos pays où on vit, parce qu'il y a justement cette sensation qu'on est tous sur la même boule. Et pour moi, oui, je sens que même nos modes de vie, ça va plus. La façon dont on le fait, ça va plus. Et c'est une réflexion qu'on doit faire de fond avec tout le monde. Mais moi, je mets l'accent sur les humains, parce que sinon, ça fait trop, tu sais, comment dire... Ouais, j'aime bien ramener cette écologie aussi aux humains, quoi, parce que sinon on aurait tendance à parler que de l'arbre séquoia qui a je sais pas quel âge, qui est tout aussi valable, hein, c'est pas ça, mais non, vous ne me suivez pas là-dessus. Vous comprenez pas ce que je veux dire ? Si. Sinon ça fait un peu trop artificiel, quoi. Je veux dire, les humains et la nature, c'est kiff-kiff. On est ensemble dans ce bazar. C'est pas une nature comme ça, toute seule, sans humain. On fait partie du truc, quoi. C'est parce que maintenant, on est nous, du côté riche de la planète, on est complètement dans des lieux artificiels. Aussi. Encore ici, Boisfort, vous avez de la chance, hein. Vous avez des arbres. Vous avez des beaux arbres. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je ne suis pas de Boisfort, mais je suis aussi dans un endroit où il y a encore un peu de verdure. Pas des masses, mais il y en a encore. Mais c'est typique. Donc, la question, c'est comment... De droite. voilà, par exemple. Eh bien, je ne suis pas de droite et je ne suis pas non plus de gauche. Alors, le truc, c'est que quand on réfléchit en termes écologiques, disons, ou naturels, ce qu'on peut observer, c'est que les forces, les dynamiques en présence sont pas du tout les mêmes que celles de l'économie. Par exemple, on est dans des cycles et des flux, on est dans des continuités, des réseaux, des trames. C'est pas des parcelles et des taux de croissance. C'est pas du tout les mêmes unités. Et donc C'est pas de la mathématique, c'est ça que tu veux dire? C'est pas de la mathématique et c'est pas de la mesure comptable. Et donc, par exemple, ce qu'on dit souvent, ici, vous avez de la chance, à Boisfort, il y a du verre, donc on peut construire. C'est complètement oublier le fait que si on veut rafraîchir le centre-ville, ça va passer par des trames de liaison écologique, des couloirs, des jonctions mycorhiziennes, des flux d'air et de chaleur. Et donc, il ne suffit pas de dire, là, dans cette parcelle, il y a du verre, on peut encore mettre du béton. Il faut regarder l'ensemble du territoire et réfléchir aussi en termes écologiques, avec les écoulements, ou par où passe l'eau, où sont les masses d'eau souterraines, quand ça tombe, où est-ce que ça dégouline, etc. Et du coup, la place de l'humain là-dedans, elle est forcément super importante, parce que si on fait un humain égal un arbre, on a quand même un problème éthique absolument fondamental. Donc ça, c'est pas possible, hein. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes énergies et les mêmes assemblages, mais néanmoins, un arbre a une valeur intrinsèque qu'il s'agit de prendre en considération. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour recréer un ensemble qui soit cohérent et qui reste avec une forme d'éthique sans que l'homme soit au-dessus? Et ça, on est en train d'y réfléchir de toutes les manières. Hier, on a assisté à une pièce de théâtre d'un texte de Caroline Lamarche qui était vraiment magnifique, je pense. Et Caroline Lamarche, justement, elle propose des manières de penser ça et de manière sensible, parce qu'elle est écrivaine. C'est vraiment super, super. Et voilà, elle propose une autre manière d'être en relation avec des vivants non humains qui ont leur importance, qui ont une forme de personnalité, qui sont sentients, c'est-à-dire qui ont une forme d'émotion, qui ont des comportements qui sont à eux, qui ont des comportements sociaux aussi. Donc, ce n'est pas juste des choses, ce n'est pas des marchandises. Mais justement, à la fin de Froufrou, par exemple, c'est vraiment super, à la fin de ce texte, où elle a entré en relation, une relation très particulière avec une canne, à la fin, la canne part. Et elle disparaît, elle ne la voit plus jamais. Et c'est une super belle manière de dire qu'on doit être, et on peut, on doit être en relation avec les vivants non humains, mais ce n'est pas la même chose. À la fin, elle part, elle a sa vie d'animaux, et puis nous, on est des animaux humains, c'est quand même différent. Et donc, on doit repenser notre façon d'être sur Terre, quoi, probablement, ou dans la nature, quelle est notre place dans la nature, parce qu'on est dedans, on ne peut pas faire sans. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, tout le carbone qui nous constitue, tout vient de ce qu'on a appelé la nature. Donc, on en fait partie, nécessairement. Mais on fait partie de la même bande, hein, les gars. Je veux dire, c'est pas moi que vous devez convaincre, hein. Je veux dire, il y a des livres entiers formidables. Et puis, alors, comme c'est la tendance, ben, tout ça, ben, voilà, on fait des pièces de théâtre là-dessus. On rappelle aussi qu'on est une sorte d'animal. Enfin, voilà, c'est pas moi qu'il faut convaincre. Et depuis la nuit des temps, ce qu'on dit là, c'est là. Après, c'est comment gagner des batailles. Moi, je ramène à ça. C'est comment gagner des batailles. Comment continuer à se battre pour défendre cette chose qu'est la nature, je dis cette chose pour qu'on se comprenne, mais comment, parce que là, on a parlé de la justice, de la loi, voilà, et qui ferait que, moi, j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai entendu que, par exemple, voilà, cette cour, cette cour européenne des droits de l'homme, en fait, en gagnant, contre cette inaction climatique en Suisse, paraît-il, elle ouvrirait la porte, après il faut voir, hein, parce que à des personnes qui vivent par exemple une mauvaise santé parce qu'on a construit un truc dégueulasse, je sais pas moi, une industrie à côté de chez eux, eh bien, ça ouvrirait la voie plus facilement à aller en justice et aller dire, voilà, je suis malade parce qu'il y a cette industrie qui s'est installée à côté, ou bien j'invente complètement. Moi, j'ai fait un petit peu de recherche et ça avait l'air de raconter ça aussi, quoi, de dire que c'était la porte ouverte, en tout cas, ça commence à s'ouvrir, quoi, pour que ce soit réalisable, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce soit plus facile. Ça se voit déjà, mais alors après, c'est vrai que si tu penses dans le monde entier, il faut peut-être mettre ça à différents niveaux. Mais par exemple, en Europe, oui, il y a de plus en plus de cas de personnes qui saisissent la justice en disant, mais là, je pense que mon droit, il n'a pas été respecté. Et notamment, il y a un fermier qui a aussi commencé une action en justice en disant, mais en fait... En Belgique, là ? Oui. Vous m'avez... J'ai été obligée d'utiliser des produits qui ont mis en danger ma santé. Après, tu peux extrapoler sa santé et des personnes qui vivaient autour de lui, ceux de sa famille. Donc, c'est un peu de ça dont il est question, effectivement. Mais parce que c'est vrai qu'on fait des allers-retours entre les différents... Non, mais c'est chouette, parce que comme ça, on a un point de vue de la chose, c'est chouette. Mais sur la question du droit, par exemple, nous, on est souvent critiqués là-dessus aussi, parce qu'on a un peu critiqué tous azimuts, quoi. Oui. Mais c'est bon signe. Et on nous dit... Non, critiqué par qui, quoi ? C'est pas important, mais par plein de gens. Donc, il y a des gens qui nous disent, par exemple, mais si vous pensez que vous allez faire de l'écologie en utilisant l'outil du droit, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Il faut pas rêver, ça marche jamais. On voit ce qui se passe, par exemple, avec les réfugiés, crise de l'accueil. La Belgique condamnée des centaines, voire des milliers de fois, et puis qui n'a... C'est intéressant de l'entendre aussi, parce que moi, j'aurais aussi envie de dire ça. Enfin, voilà. C'est ça, mais alors sinon, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça la grande question. Quels autres outils on a ? Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres outils. Mais néanmoins, moi, j'ai l'impression que l'outil de droit, il est quand même extrêmement important. On l'a vu d'abord dans les droits sociaux. Ça permet quand même d'améliorer les conditions de vie et de créer des conditions de vie, des relations entre les humains qui sont nettement meilleures que s'il n'y avait pas le droit, en tout cas. Oui, mais moi, je crois qu'il y a d'abord un rapport de force. Après, voilà, j'en sais rien, mais enfin... J'ai l'impression que les droits qu'on a conquis, quoi, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont battus. Enfin, tu vois, c'est pas simplement comme ça, on va changer la loi. Donc là, on peut dire que pour le mouvement écologiste, ici, dans nos pays riches, quoi, on parle de la Belgique, on va dire, même la France. Il n'y a pas vraiment... Oui, il y a Rémi Fraisse qui est mort d'une grenade et des gens blessés avec... Parce que la tension est occupée à monter, parce que les gens commencent à être de plus en plus mécontents. Avec les soulèvements de la terre, il y a des gens qui ont été blessés, mais pas de morts. Voilà. Le contexte est aussi différent. Tu vois, les droits sociaux, ils ont été acquis quand les gens, ils bossaient 60 heures par semaine, qu'il n'y avait pas de vacances, qu'il n'y avait pas de santé, qu'il n'y avait rien. Donc, leur vie était en jeu. Et là, pour l'instant, bah, nous, on est encore peinards. Là, le réchauffement climatique commence à frapper. Bon, bah, c'est pas encore, on n'a pas encore pris la mesure du problème. Donc, le coup de pied au cul, il n'est pas encore très fort, disons-le simplement ici, en Occident. Mais ça va aller vite, parce que l'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde. Donc, ça va faire très, très mal. Là, pour l'instant, à Barcelone, l'eau potable arrive en bateau, parce qu'il n'y a plus assez d'eau au robinet. Là, il gèle sur les pousses des fruitiers en France. On va voir ce que ça va faire. C'est où en France ? Plutôt dans le nord, dans le sud ? Dans le sud et dans le centre, si je ne me trompe pas. Mais c'est des endroits localisés, donc je ne voudrais pas être imprécis, mais enfin, on peut trouver les cartes assez facilement. Bref, il va y avoir des impacts toujours plus lourds. Il y a eu 41 morts en 2021 en Wallonie à cause des inondations. C'était pas à cause des barrages, c'est parce qu'il a plus trop. Il est tombé trop d'eau d'un coup. Donc c'était, voilà, il y a 4700 morts entre 2003 et entre 2020 du fait des canicules en Belgique. C'est les canicules qui posent problème. Et les mauvais logements, on est bien d'accord, mais c'est d'abord parce qu'il fait trop chaud. Donc ça va commencer à se payer durement. Et donc on peut imaginer qu'il va y avoir une pression toujours croissante. Et je pense que c'est ça aussi qu'on voit comme signal la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est là que c'est nouveau. Et c'est là que ça constitue une avancée très importante. C'est que tout d'un coup, elle dit oui, effectivement, le réchauffement climatique a un impact sur les droits fondamentaux humains. Et oui, effectivement, pour défendre vos droits fondamentaux humains. C'est ça qu'elle dit en fait, en reconnaissant ça. Il y a un lien entre le climat et les droits humains. Elle établit clairement le lien et elle dit maintenant, si les États ne prennent pas leurs responsabilités en matière climatique, effectivement, vous allez pouvoir les attaquer parce que vos droits humains vont être mis en question. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et ça ouvre plein de possibilités. Après, il faut voir, à chaque fois, c'est des procédures super longues, super chères, super complexes. Et après la décision de justice, il faut que les politiques soient mettre en œuvre, qu'elles soient suivies, qu'elles soient monitorées, qu'elles soient elles-mêmes attaquées en justice, etc. Donc c'est un processus très long. Et le grand problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps. Là, si on veut rester en dessous des 2 degrés, il faut vraiment qu'on prenne des mesures extrêmement décidées dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent. Et on ne voit pas la chose venir. Donc ça, c'est un peu... C'est complètement effrayant, quoi. Mais raison de plus pour avancer et pour continuer. Oui, de toute façon, ça n'empêche pas d'essayer de se mettre en avant et de le faire, quoi. Parce que, en fait, ce serait intéressant de rencontrer ceux qui ont mené l'affaire climat en Belgique pour voir qu'est-ce qu'il en est, en fait, aujourd'hui. Parce que c'était, bon, il n'y a pas longtemps, hein, 30 novembre 2023, ils ont gagné, hein. Mais ça veut dire quoi? On a envie de comprendre mieux, quoi. On a envie, tiens, mais ça change quoi, en fait? Parce que c'est ça le truc. Et surtout qu'on rentre dans des politiques maintenant où on a l'impression que le droit, il est carrément mis de côté. On l'écoute plus, quoi. On l'a vu, par exemple, avec le Covid, quand il fallait mener des mesures martiales, comme on dit, c'était fini. Le droit, on n'en parle plus et on mène les choses comme on a envie, quoi. Hein. Vous voyez, je parle du confinement parce que partout, on n'a pas partout confiné, quoi. Mais en Belgique, les gens ont été confinés. Et voilà, c'était comme ça. Donc, ça pose des questions, hein, cette espèce de machinerie. Quand il y a la volonté, les choses peuvent se faire. Effectivement, c'est un peu ça que nous, on espère, c'est que les gens comprennent que si on a la volonté de faire différemment, on peut y arriver. Effectivement, on peut y arriver en tant que société. Si le droit nous y aide, si les mouvements citoyens comprennent, si les politiques disent « Ah oui, tiens, peut-être qu'on pourrait avoir le courage de faire différemment », je pense que oui, effectivement, ça peut se mettre en place. Une fois qu'il y a la volonté, mais effectivement, on est dans une situation où il faut beaucoup de dialogue et beaucoup de compréhension de ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui remettent en cause le réchauffement climatique, il y a des gens qui ont toujours une bonne raison pour te dire que ce que tu penses, c'est pas vrai. Donc, il faut vraiment discuter beaucoup et expliquer les choses. Remettre aussi l'empathie, je pense, au goût du jour. Essayer de comprendre l'autre, d'où il vient. Avoir ces espaces de conversation qu'on n'a plus forcément maintenant. Là, c'est là, au champ de cas, il faut faire ça. Oui, mais ça devient de plus en plus... C'est un lieu concret, quoi, oui, tu vois, avec les gens qui sont différents. Et c'est pour ça que je te dis, c'est difficile, parce que je me rends compte, effectivement, t'as ce lieu de mixité sociale et idéale et plein de possibilités, mais on est effectivement sous la pression de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est multiple. T'as le problème du logement, t'as le problème de la déconnexion des gens. À Bruxelles, t'as certainement aussi un problème de gens qui vont et qui viennent, et le temps que tu t'installes dans le territoire, est-ce que t'as réussi à comprendre tout ce qui se passait autour de toi? Est-ce que tu as réussi à comprendre dans quelle association tu pouvais trouver ta place? C'est beaucoup de facteurs, je pense, qui sont liés et qu'on doit essayer de mettre ensemble, refaire une maille comme ça de société, une société qui fonctionne sur lesquelles on peut s'appuyer entre groupes différents et entre apports différents. Il n'y a pas ça là au champ d'écailles? Moi, je pense qu'il y avait beaucoup ça au départ et je pense que c'est en train de partir. Mais pourquoi? C'est mon constat à moi. Et parce que on n'y arrive plus. Raisons internes, quoi, de gens. Oui, une complexité, je pense. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire toute la recherche, qui n'ont pas le temps de comprendre tout le truc, qui disent juste « bon, c'est comme ça, maintenant, il faut qu'on accepte, on accepte ». Des gens qui veulent plus se battre, quoi, c'est ça? Oui, ou qui... Après, il faudrait leur demander à eux pourquoi ils... Oui, peut-être qu'on en a marre au bout d'un moment d'être dans la bataille, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai l'impression qu'on peut continuer à aller plus loin. De l'extérieur, sur le champ des cailles, il y a quelque chose que je trouve hyper frappant, c'est comme le projet de logement, puisque donc il y a un projet de construire, c'est combien maintenant, 51 ou 71, je ne sais plus à combien ils sont. C'est 90 en tout, et 70 logements sociaux et 20 logements moyens. Voilà ça. Donc c'est quand même pas énorme, hein, mais ce truc a été avancé avec une telle pression, y compris au niveau local, avec une pression locale, avec la mobilisation des partis politiques pour faire bouger les choses dans le sens de la construction, que c'est devenu hyper compliqué pour les gens de résister, quoi, parce qu'ils étaient soumis à une pression tous azimuts dans les différentes instances, par les différents organes, la SLRB, le logis floréal. C'est vraiment hyper compliqué. Or, si on regarde le projet, 71 logements sociaux, donc la crise du logement à Bruxelles, ça concerne 500 000 personnes. Il y a quasiment la moitié de Bruxelles qui soit est mal logée, soit est logée beaucoup trop cher. Et là, on parle de 71 logements sur un espace dont on a complètement besoin, ne fût-ce que pour l'inspiration. Comment va-t-on faire pour que Bruxelles reste habitable dans les années qui viennent? C'est typiquement le genre d'endroit dont on a besoin pour comprendre comment les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut faire, comment les agencer. Et là, il y a 71 logements. Et tu veux dire que c'est rien du tout? Mais c'est absolument rien. Mais c'est sur la commune de Boisfort, j'imagine aussi. Ouais. C'est pas à l'échelle de tout Bruxelles, quoi. Mais oui, mais alors, si on... Si... Bon, alors d'abord, pourquoi... Non, mais je veux dire... Moi, je suis d'accord de garder le terrain. Je m'en fous de la construction. Enfin, à la base, le béton et tout ça. Enfin, moi, c'est bon. Mais je veux dire, il faut avoir des bons arguments aussi. Ben, on arrive. Ben, les arguments, il faut laisser le temps de les développer. Mais on ne va peut-être pas passer la journée sur le logement parce que c'est... Mais si l'idée, c'est de dire, OK, les gens qui devraient avoir accès à un logement social, il faut leur en construire un. Alors, il faut qu'on construise 500 000 logements. On va les mettre où? La forêt de soie n'est pas suffisante en termes de surface. Ce que je veux dire, c'est que la construction de logements, la construction, c'est une manière de faire du logement social. Mais il y en a beaucoup d'autres. On peut racheter des choses qui sont déjà construites. On peut élever les choses en hauteur. Il paraît qu'il y a des bureaux. Parce que là, tu parles. C'est là que je suis un peu paumée, c'est que tu parles de 500 000 à l'échelle de tout Bruxelles, toi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est à l'échelle de la. J'imagine que les gens qui construisent ici les maisons, ils prennent la thune de la commune, quoi. C'est pas à l'échelle de tout Bruxelles. C'est un projet régional. Ouais, c'est un projet qui est porté par la SLRB, donc la Société de logement de la région Bruxelles-Capitale. J'ai envie de te répondre, mais c'est parce que je te dis, moi, je m'en fous de cette construction, mais c'est pour qu'on comprenne ce qui se dit là. Mais 70 000, c'est un début, monsieur. Ouais, bah c'est un début, mais sauf que on en mettra ailleurs dans d'autres communes. Mais à partir du moment où le problème c'est principalement l'accès au logement, donc le prix. Tu peux construire tout ce que tu veux, si tu fais pas diminuer les prix, tu as jamais résolu le début de la question. Et donc là, ils vont créer 71 logements, mais à côté, ils en construisent 1000 privés plus chers qui vont faire monter les prix. Donc ça va créer plus de personnes en besoin de logement social que ils n'auront créé de possibilités avec leurs 71 et tout ce qu'il y a autour même. C'est vrai ce que tu dis là? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on observe que depuis 30 ans, le nombre de logements augmente, en général, pas que les sociaux, augmente à Bruxelles, mais la demande de logements sociaux explose. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de logements que de ménages, mais ils sont trop chers. Il y a assez de logements à Bruxelles, il y en a assez, il y en a 30 000 qui sont vides, mais ils sont trop chers. Donc ça ne sert à rien d'en construire des nouveaux. Alors, c'est un peu caricatural, on peut en construire des nouveaux pour plein de raisons. Pas forcément. Enfin, voilà. C'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours abîmer un... Comment je dirais? Parce qu'avant tout, évidemment, c'est de la terre. J'ai compris que c'était des droites, maintenant. La terre, c'est à moi, propriétaire terrienne. Non, mais il y a un espace là qui est vachement important parce que ça crée du lien avec les gens. C'est pas simplement les petites fleurs et bien... Tu comprends ce que je veux dire, Fanny? Ça crée du lien entre les gens et puis ça donne un modèle. La ferme urbaine qui s'est installée ici n'est pas, ça marche pas avec le profit. C'est des gens qui travaillent tous ensemble. Il y a des professionnels, mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui aident et qui trouvent de la joie, du plaisir à faire pousser des petites graines, à essayer de comprendre justement le réchauffement climatique, comment on fait pour quand même avoir des aliments qui viennent de la terre, qui sont sains pour nous. Il n'y a pas moyen de combiner encore quelque chose. Le discours actuel maintenant c'est soyez raisonnable, on va enlever cette petite partie là et puis vous aurez encore cette partie là. Mais ça, pour l'avoir vu dans plein d'endroits, c'est le début de la fin. Ça veut dire qu'on te dit bah ton projet j'y crois pas en fait, donc maintenant je t'enlève ça, puis un petit peu plus tard je reviendrai, je t'enlèverai ça, puis entre temps les maraîchers et tous les gens qui sont derrière, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bénévoles et qui croient à fond dans ce truc-là, ils vont dire « bon, bah, à quoi ça sert, quoi ? Pourquoi je m'investis dans un truc ?» Il y a déjà des gens qui sont partis, qui ont dit « j'ai donné 10 ans de ma vie à la ferme », avec tout ce que ça représente en termes d'organisation, parce que voilà, la démocratie, c'est difficile à faire, donc c'est beaucoup de soirées participatives, c'est beaucoup de mise en commun, c'est beaucoup de... Il faut qu'on de temps, quoi. De temps. Ça prend un temps de... Moi, je trouve que c'est un scandale, quoi. La commune, il faudrait aller les secouer, quand même. Moi, je trouve ça fou, quoi. Qu'on emmerde les gens, déjà, dans notre monde, où c'est compliqué, c'est difficile et tout. Oui. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont conscients de ce qui se passe et qui nous disent souvent « c'est beaucoup plus facile de détruire ». Et comment on va reconstruire tout ce que la ferme a fait pendant ces 11 ans? Il y a des gens qui sont conscients de ça. Mais ça... ça percole pas vers le haut, ça va pas assez haut, je sais pas. Où est-ce que ça coince exactement? Moi, je j'ai pas. C'est l'énergie qui est basse, quoi, aussi. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a, voilà, vous êtes un peu, vous avez reçu un coup sur la tête, quoi. Oui, oui, oui. On a marre, enfin, c'est à la longue aussi. Oui, oui, il y a des gens qui disent bon, ah, ok, par exemple, les maraîchers et maraîchères qui sont partis, que moi j'ai appris à connaître, et elles avaient un grand sourire quand arrivaient sur le champ, elles croyaient vraiment à ce projet avec toute sa dimension tellement chouette de gens qui travaillent ensemble, tous vers le même truc. Elles sont parties, bon, elles se sont installées dans d'autres endroits où c'est des communautés où tu travailles ensemble et tu œuvres pour le bien commun. Donc voilà, t'as cette pression, cette violence aussi, je pense, qui finit par se développer à cause de tout ça. Et elles disent, ben non, moi je vais me mettre à l'abri dans un autre endroit. Parce que aussi, c'est des personnes qui ont 20 ans, 30 ans. À l'abri, tu veux dire que dans Bruxelles, il y a d'autres lieux, d'autres endroits où c'est beau, Bruxelles, peut-être. Ah. Ces personnes-là sont parties à l'extérieur, dans le Conde Rose ou des autres endroits comme ça. Il reste 5 minutes, les amis. Qu'est-ce que vous verriez d'essentiel à dire, qu'on n'a pas dit, ou que vous voulez rajouter, ou que vous voulez clarifier ou... Oui, bah peut-être dire que donc nous, ce qu'on propose, l'action qu'on a un petit peu survolée avec toi, il y a des moyens d'action qui sont à la portée. Donc, quelle action? L'action de la Cour européenne? Non, notre action à nous, c'est de faire la même chose qu'en Suisse, c'est-à-dire de dire au gouvernement... Le We Are... Brussels, on dit au gouvernement, prenez vos responsabilités, on sent bien que ça ne va pas, que là, il faut qu'on arrête d'artificialiser les sols vivants dont on a besoin, pour avoir un futur, pour avoir un avenir, quelque chose de vivable. Donc on dit, arrêtez la destruction. Au moins, on fait une pause le temps qu'on comprenne qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'humains, à mettre en place. Il y a peut-être d'autres façons de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis on fait une pause? Un moratoire, c'est une pause. C'est-à-dire que on décide d'un temps dans lequel on ne va pas donner ses permis de destruction, parce que moi, je les appelle comme ça, le temps qu'on se dise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'autre? Comment on peut faire? Peut-être qu'il y a des endroits où, effectivement, on peut encore construire. Mais peut-être qu'on peut se dire, ah oui, il y a vraiment des endroits dont on a vraiment besoin. Il y a plein de gens qui travaillent sur Bruxelles pour dire, ça, c'est connecté avec ça. Et donc là, tu as un truc de l'eau que, si tu coupes ça, ça va être la catastrophe. Il y a déjà des documentations qui ont été faites par des gens qui habitent leur village depuis super longtemps, je pense à Forest notamment. Il y a une dame, elle sait exactement où passait l'eau avant, comment on l'a coupée avec telle construction et comment maintenant c'est une catastrophe, parce qu'elle, elle l'a vécu dans sa chair, elle a vu ces effets-là. Donc il y a déjà des choses qui sont visibles et qu'on peut mettre en évidence, et on peut dire, apprenons de nos erreurs. Alors là, c'est vraiment le cas. J'entends bien ce que tu dis, mais... Je pense, que après c'est vrai. Alors on propose plus rien, mais je veux dire, j'imagine que là-haut, les politiques, ceux qui sont au gouvernement, l'État, ils s'en foutent en fait de tout ça, parce que sinon ils mettraient autre chose en place, quoi, non? Mais justement parce que cette réflexion, elle a déjà en fait d'une certaine manière débuté, et elle peut se poursuivre dans le cadre de la révision du PRAS. Donc le PRAS, c'est le plan régional d'affectation du sol. C'est une sorte de grande carte de tout Bruxelles où il y a justement toutes les parcelles. Donc c'est une pensée vraiment de type comptable, mais elle a sa pertinence et son intérêt dans le cadre d'une région comme ça. Et pour chaque parcelle, il y a une affectation qui est réservée. Donc on dit ça, c'est de la forêt, on n'y touche pas. Ça, c'est du logement. Ça, c'est du bureau. Ça, c'est de l'administratif. Ça, c'est de l'industrie, etc., etc. Et il y a une carte comme ça qui couvre tout le territoire. Et pour chaque zone, il y a une prescription. Et cette carte est révisée de temps en temps, et donc là, elle est en cours de révision. Depuis 2021, il y a un arrêté qui a été écrit et qui dit « on révise le PRAS ». Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que tant qu'on n'a pas révisé le PRAS, on arrête de donner des permis sur les espaces naturels de plus d'un demi-hectare. Mais quand tu dis « tant qu'on n'a pas révisé le PRAS », c'est qui révise le PRAS? Alors le PRAS, c'est Perspective, donc une administration bruxelloise qui est chargée de faire des travaux, qui a associé toute une série d'acteurs. Nous, en tant que citoyens, on a été consultés à différents moments. On va voir ce qui en sort. Il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, parce que Perspective a franchement fait déjà un énorme travail, il faut bien le remarquer. Comme quoi, en quelques mots? Par exemple, ils ont remonté dans les priorités l'adaptation l'adaptation aux effets du changement climatique et le maintien des sols vivants. C'est complètement nouveau. Donc nous, on est très très contents de retrouver ça là. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ça va se traduire dans la carte elle-même. Ça, c'est encore une autre étape. Hein. Ah ouais, moi je disais dans le concret. Ouais, exactement. Parce que dans la carte elle-même, c'est comme s'il fallait redessiner sur la carte, mais moi je te dis dans le concret alors. Alors en fait, mais les deux en fait sont liés. Parce qu'à partir du moment où la carte dit sur cette zone-là, tu peux faire ci et tu peux pas faire ça, après ça devient concret parce que tu arrives avec ton permis ou ton interdiction de permis et tu dis ça, tu peux, ça, tu peux pas. Donc il y a vraiment une dimension concrète dans le PRAS qui est très intéressante. Mais là, on a des intentions, on n'a pas encore la carte. Et donc toutes les pressions vont arriver de tous les côtés et on comprend bien que ça va être difficile d'arrêter la grande bétonneuse à Bruxelles. Ça, c'est pas gagné. Mais ce PRAS, une fois qu'il sera validé, normalement c'est fin 2025, début 2026, on pourra aussi aller en justice si on n'est pas content, en disant « mais ça, ça ne va pas du tout, etc. » Mais normalement, ils vont devoir prévoir un PRAS qui prévoit l'adaptation de la ville aux effets du changement climatique. Entre autres choses, il y a plein d'autres dimensions. Il y a la sauvegarde de la biodiversité, il y a l'eau, il y a l'agriculture, bien entendu le logement, etc. Donc là, il y a une réflexion qui est en cours, qui doit se poursuivre, et à la fin, on doit arriver avec un plan qui permette à Bruxelles d'être adapté à des vagues de chaleur qui atteignent 50 degrés, à des inondations, etc. Bien, mais quand tu dis le « on doit », on a du mal à comprendre si c'est qui, quoi. C'est l'administration. J'ai entendu que vous étiez des fois conviés à discuter de ça, mais qui décide à la fin ? À la fin, c'est le gouvernement. Voilà. Voilà. Mais il doit décider dans un cadre réglementaire hyper complexe, avec notamment, et ça c'est nouveau, des contraintes qui sont liées au climat. Il n'y en a pas encore sur la biodiversité, malheureusement, où elles sont très faibles, mais sur le climat, il y a des contraintes qui sont plus fortes. Donc il doit intégrer ces contraintes. Si elles ne sont pas intégrées, nous, on attaquera directement le PRAS, ça c'est sûr. Et entre-temps, on espère que, justement, les mobilisations citoyennes, ça c'est la clé, le mouvement social et écologique, mettent la pression pour que le gouvernement veuille adapter lui-même le PRAS pour que la région reste habitable pour toutes et tous. Et donc l'enjeu, il est double. Il y a le volet juridique, donc nous on le porte avec ce procès, et il y a la révision du PRAS à la fin, mais il y a surtout la mobilisation pour que le gouvernement, parce que le gouvernement est constitué par les partis politiques qui sont constitués par les électeurs, il faut que ce gouvernement veuille aller dans le bon sens. Et pour qu'il veuille, parce qu'il ne va jamais le vouloir de lui-même, parce qu'en gros il va falloir qu'il s'oppose à des intérêts privés qui sont extrêmement puissants, il faut qu'il y ait une pression qui vienne de la base. Ça c'est vraiment... La base donc des gens. Les gens, exactement. Pour nous, c'est le bon terme, c'est les gens. Il faut que les gens prennent ça à bras-le-corps. Et je pense, enfin nous, on insiste vraiment là-dessus, quoi. La nature, c'est le social, c'est la nature. On ne peut pas distinguer les deux. Si on détruit la nature à Bruxelles, ça va être la catastrophe pour les gens qui sont déjà dans la misère, quoi. Et réversiblement, si on a des discours qui sont stigmatisants pour les personnes qui sont dans la mouise, si on a un discours un peu surplombant, méprisant, voilà, qui donne pas envie, les gens vont pas se bouger et alors on perdra. Donc il faut vraiment qu'on arrive à créer cette dynamique en partant de la base, quoi, des gens. Et où on peut lire, là c'est terminé, deux minutes, le SPRAS là, les SPRAS, le PRAS, c'est l'acronyme de... C'est Plan Régional d'Affectation du Sol. Et on peut lire ça, on peut suivre, il y a moyen de suivre un peu les réflexions qui sont menées autour de ça. Oui, alors sur le site de Perspective, donc c'est une administration bruxelloise, c'est perspective.brussels en anglais, et il y a un onglet PRAS où on peut suivre l'évolution des... En français ? En français, en irlandais, oui. Okay. Ben, je mettrai le lien sur la page Facebook Radio Campus. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur notre site où vous aurez des nouvelles. Et on mettra le lien aussi. Merci à vous. Merci. Merci.